Chapitre 6e. Paris, 10 mai 1877. Je suis bien heureux, mon cher ami. J'ai le prix du salon. Mon nom mis en lumière, un voyage en Italie, 8 ou 10 mois de tête-à-tête avec les maîtres, une moisson d'études et au retour, quelques belles œuvres. Ah, mon cher Henri, qu'il est doux ce premier baiser de la gloire. Et tu ne sais pas tout. Tu ne peux pas comprendre. Viens. Bien vite, je t'expliquerai. Boucle ta valise et prends le premier train. J'ai besoin de toi. Je t'attends et je compte les heures. Ton vieil ami, Jacques Henriot. 48 heures après le départ de cette lettre, Henri Mareuil frappait à la porte de l'atelier de Jacques. Ils s'étaient connus au lycée, où le père de Henri Mareuil, greffier au tribunal de commerce de Rouen, obtint une bourse pour son fils. De complexion nerveuse et délicate, sensible à l'excès, le petit Mareuil était, à l'époque de son entrée au collège, une de ces natures faibles, féminines, que les rudesses de l'internat meurtrissent. Il fut bientôt en butte à l'hostilité de ses camarades. On l'accabla de moqueries, on le battit même, à cause de ses longs cheveux blonds, l'orgueil de sa mère, qui d'un geste familier aimait à caresser les boucles soyeuses épandues sur les épaules de son enfant. La vie du lycée ne commença à devenir supportable pour lui que lorsque Jacques Henriot entra dans la classe. Le fils du contremaître, indigné des mauvais traitements que ses condisciples faisaient subir au jeune paria, le prit sous la protection de ses poings vigoureux. C'est ainsi que naquit l'amitié qui ne devait plus cesser d'unir les deux jeunes gens. Admirative et reconnaissante chez Henri, elle prit chez Jacques, avec le temps, le caractère de tendre sollicitude et de protection que revêt parfois l'affection d'un frère aîné pour son cadet. Ils achevèrent côte à côte leurs études avec un égal succès. Henri avait une imagination vive, de l'esprit, une remarquable facilité de parole, beaucoup d'ambition et peu de volonté. « Tu es une femmelette, » lui disait parfois Jacques avec un bon sourire. « Tu n'as que de l'intelligence et pas de caractère. »« Que veux-tu ? » répondait-il. « À force de me battre, quand tu n'étais pas là, on a cassé en moi le ressort de l'énergie. Je suis faible, indécis, c'est vrai. » Audacieux, dans mes idées, irrésolu, dans ma conduite, mais qu'y faire? Je suis ton esprit critique et tu es, toi, ma volonté. Il prit ses premières inscriptions de droit en même temps que Jacques entrait à l'école des beaux-arts, vécut pendant 3 ou 4 ans de la vie du quartier latin, et dut beaucoup de succès à sa jolie tête blonde. Il s'en autorisa pour affecter ce dédain de la femme qui est une des formes de la fatuité. L'amour lui paraissait un de ces délassements enfantins dont on peut user à la rigueur, mais à la condition de ne point garder d'illusions sur leur puérilité. Les grands enthousiasmes de Jacques le faisaient sourire, lorsque celui-ci vantait la beauté de la passion. « Voilà bien mon Don Quichotte, » disait-il en tordant sa fine moustache. « Sais-tu que tu es la race des chevaliers errants, mon bon Jacques? Tiens, je te vois en paladin. »« Je ne t'y vois pas du tout, moi, » avait un jour répliqué Henriot. « Eh non, » reprit-il, « je ne fais pas anachronisme comme toi, parbleu. Tu n'es qu'un instinctif. Tu méritais de vivre il y a 300 ans, avec ces grands gaillards du XVIe siècle, plus raides que leurs armures, qui vous tuaient un homme comme une mouche, puis avaient des extases et causaient avec la Sainte Vierge. Moi, je suis un analyste. Je me surveille, je me défie de moi-même comme des autres, et ce m'est une joie que tu ne comprendras jamais de découvrir et de déjouer une duperie de mes sens, de mon cœur ou de mon imagination. » Mareuil disait vrai. Ce jeune homme déniaisé et guéri du sceau portait clairement la marque d'une époque d'extrême criticisme. Les 3 ou 4 générations de chicanos normands dont il était l'héritier lui avaient légué une subtilité avocatière qu'il aiguisa encore par une culture intellectuelle très raffinée. Mais ce n'est pas impunément qu'on excelle aux distinctions sophistiques. Son caractère avait perdu en force ce que son esprit avait gagné en agilité. À la conférence Molé, on remarqua quelques-uns de ses discours, où les théories les plus radicales étaient exposées avec un talent précoce. Il ne cachait point d'ailleurs son absolu scepticisme, en politique comme en religion, et pensait que les opinions sont affaires de convenance pour les uns, de routine pour les autres, d'intérêt pour presque tous. Après le succès éclatant de ses derniers examens, il revint à Rouen avec l'intention de chercher fortune au barreau d'abord, puis dans la politique, C'est là que la lettre de son ami était venue le trouver. « Mon bon Jacques, bah, que je suis heureux de t'embrasser. Sais-tu bien que nous nous sommes un peu perdus de vue depuis quelque temps? Te voilà donc illustre. Ne te moque pas, Henri. Assieds-toi plutôt, car nous avons à causer de toi, de moi. Mais oui. Crois-tu donc que je t'aurais fait venir de Rouen seulement pour me féliciter? J'ai bien autre chose en tête. Voyons, je t'écoute. Es-tu toujours ambitieux? Parbleu. Bien. Et quelle est ta situation à Rouen? Triste. On ne plaide plus en Normandie. Tu ne me crois pas? On ne m'a offert encore qu'une affaire. Il s'agissait de défendre un berger soupçonné d'avoir par enchantement et maléfice donné le tournis aux moutons de son fermier. Tu comprends que pour aborder un jour la politique... Oui, cela ne vaut pas le procès Baudin, n'est-ce pas? Ah, mon ami, que dis-tu là? Le procès Baudin, quel coup de fortune! Notre rêve à tous, nous autres, les débutants. Tu ne le répéteras pas, n'est-ce pas? Eh bien, à la conférence, j'en connais plus d'un qui tuerait Baudin afin de plaider pour lui. Songe donc, quelle cause magnifique! Pardon si je t'interromps, mais nous ne sommes pas aux assises, maître Mareuil. Voici ce que j'ai à t'offrir. Monsieur Passemard. Ton correspondant du lycée? Oui. Le grand industriel qui m'a servi de tuteur après la mort de mon père. Eh bien, il veut se lancer dans la politique. Ah! Il songe à se présenter aux prochaines élections dans son département. Quelle teinte? Cela dépendra, il ne sait pas encore au juste. Bien. Il sera nommé. Mais au moins, est-ce une des nuances du prisme républicain? Oh, certainement. Il cherche un secrétaire et me demande de lui trouver un jeune homme distingué, versé dans la connaissance du droit et sachant de l'économie politique. Je refuse. Et pourquoi, je te prie? Tu aurais été en relation chez lui avec une foule d'hommes politiques? Au lieu de végéter en province et de gaspiller un talent dans de misérables affaires, tu serais rentré dans ce grand Paris? Tu te serais plongé dans son puissant courant d'idées? Enfin, mon cher Henri, te l'avouerai-je? J'avais un autre motif. Tout égoïste, celui-là, pour souhaiter que tu acceptasses. Pourquoi diable ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Voyons vite. Qu'y a-t-il? Jacques parut hésiter, se leva, fit quelques pas dans l'atelier, revint s'asseoir en face de son ami et reprit d'une voix qui tremblait un peu. Il y a, mon ami, ce que tu dois deviner maintenant, car je t'ai dit quelques mots à ce sujet, il y a bien longtemps. J'aime la fille de... Comment? Cela dure encore? Ça durera toujours. Je vais partir pour l'Italie. La bourse de voyage que le prix du salon m'a valu me permettra d'y passer quelques mois. Mais pourquoi partir? Il serait si simple de renoncer à ta bourse et de rester. Henri demeura quelques moments sans répondre. Sans doute, dit-il enfin avec effort. Mais j'ai besoin de travailler là-bas, d'étudier ces maîtres que je connais à peine, les Vénitiens surtout. Il faut que j'achève de me faire un nom. Il le faut. Cela importe au bonheur de ma vie. Comme je te le disais dans mon billet, je compte fermement, après 8 ou 10 mois de labeur et de recueillement, rapporter quelque chose, une œuvre qui me mette tout à fait hors de page. Et alors, tu comprends? Devant partir dans quelques jours, je m'étais épris de cette combinaison qui adoucissait pour moi l'amertume de la séparation et de l'éloignement. Tu aurais été dans la maison, auprès d'elle, tu l'aurais vue chaque jour. Tu lui aurais parlé de moi quelquefois, tu m'aurais parlé d'elle souvent. » Jacques prononça ces derniers mots d'une voix basse, qui trahissait une profonde émotion. Henri en fut touché et reprit d'un ton plus grave que d'ordinaire. « Je comprends, cher ami. Mais dis-moi, j'ai besoin de te demander quelques renseignements préalables. Tu consens donc? Comment peux-tu en douter? Vois-tu, mon bon Jacques, tu me reprochais autrefois de ne croire à rien. » J'aurais dû te répondre que mon scepticisme s'arrêtait à l'amitié. J'ai commencé de t'aimer il y a 12 ans, quand tu m'as arraché aux jeunes tortionnaires qui exerçaient leur cruauté sur ma faiblesse. Depuis, j'ai prouvé que tu t'es l'ami le plus sûr qui se pût rencontrer. Oui, oui, c'est convenu, passons. Donc, te voilà secrétaire d'un futur homme politique et confident d'un amoureux? Pas encore, car tu ne m'as pas tout dit. Je vois bien que tu l'adores, parbleu. La fille de ce raffineur qui se croit apte à faire des lois parce qu'il l'est à faire des pains de sucre. Mais elle, tu ne m'as pas encore dit si elle t'aimait, Jacques. Un nuage passa sur son front. Elle-même, dit-il d'une voix brève. Tu en es sûr ? Sans doute. Elle te l'a dit ? Oui et non. Comment ? Ah ça, sais-tu bien que je ne comprends plus ? Jacques se leva et dit brusquement : Tiens, Henri, j'ai tort de ne point te parler avec franchise. Oui, j'aime André ardemment. Avec mon imagination, qu'elle a séduite, enivrée. Avec mon cœur, qu'elle remplit depuis 10 ans. Avec mes sens même. Car il n'est pas une partie de mon être qui échappe à la domination souveraine qu'exerce sur lui la plus étrange et la plus désirable des femmes. Mais elle. J'ai menti tout à l'heure en te disant qu'elle m'aime. En vérité, je ne le sais pas. Il y a des jours où je crois ne pouvoir plus douter de son affection. Il en est d'autres où je trouve dans la froideur de son accueil, dans ses sarcasmes, la preuve de son indifférence et presque de sa haine. Ah, mon ami, cette jeune fille est un sphinx. Sois son Oedipe, au lieu de te laisser manger par lui. Mon cher Jacques, il me semble que tu es engagé dans une aventure où la clairvoyance d'un ami t'est nécessaire. J'ai hâte de connaître ton André et de l'étudier. Si c'est, comme tu le prétends, un rébus, tu es trop amoureux pour le déchiffrer. J'en saurai plus long sur ta bien-aimée à la voir pendant 2 heures qu'à t'entendre parler d'elle pendant 8 jours. Ta droiture, ton honnêteté robuste et confiante ne peuvent pas discerner certaines ambiguïtés féminines que je soupçonne. Tiens, mène-moi chez M. Passemard. Il y a réception chez lui aujourd'hui même. Je lui ai dit que je te verrai et que je te parlerai cet après-midi. Il m'a prié de t'amener ce soir si tu acceptais. Parfait. Allons dîner. Nous passerons notre habit ensuite. Et à 10 heures, je prendrai possession de mes doubles fonctions de secrétaire et de... comment dois-je dire ? De chien de garde, parbleu. Va, tu seras content de moi. Tu verras comme j'aboierai au voleur. Il éclata de rire et, passant son bras sous celui de son ami, l'entraîna en disant « Oh, ces Hercules ! Comme ils font la partie belle à Omphal ! Quelle faiblesse, mon cher, d'être épris comme tu l'es, au point de perdre l'esprit critique. Quel honneur et la vraie force des hommes supérieurs !»